Nouvelle des succès dans divers domaines de l'économie nationale en Corée. Le complexe sidérurgique Kintec a envoyé des milliers de tonnes de matériaux en fer et acier au chantier de construction de l'avenue Lyumeon pour contribuer à accélérer la construction, alors que les cadres et les ouvriers des entreprises halieutiques de tout le pays, comme la direction aquacole marine du ministère de l'Industrie de la Pêche, ont installé des dizaines de cages dans divers endroits convenables des mers de l'Ouest et de l'Est pour ainsi élever beaucoup de poissons. Dans le cadre de la campagne de 200 jours, les usines de toutes les provinces relevant du ministère de l'Industrie légère ont mis au point plus de 500 projets d'innovation technique de valeur et nationalisé les accessoires des équipements de plus de 500 espèces, les matières premières et les matériaux de plus de 130 espèces pour contribuer considérablement à la production des articles de consommation courante.